aimez critiquer vos proches et prenez un malin plaisir à manipuler votre entourage? Vous savez comment pomper l'énergie créatrice de vos collaborateurs grâce à un savant dosage de dévalorisation et de culpabilisation? Rance Téléphone recrute. En devenant l'un de nos cadres intermédiaires à Rance Téléphone, vous participez à la restructuration en douceur de l'entreprise. Vous épuisez moralement nos employés et les poussez vers la sortie sans indemnité, contribuant ainsi à la bonne santé financière du groupe. Manipulation, culpabilisation, harcèlement moral. En étant cadre à Rance Téléphone, vos qualités de personnes toxiques sont valorisées et vous ne faites plus qu'un avec la philosophie de management de l'entreprise. Venez prendre plaisir à faire souffrir chez Rance Téléphone. Ça va pas la tête.